cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walah, amma ba'd. Qala al-Sheikh Abdurrahman, al-Si'di rahimahullahu ta'ala, wa min barahin wujudillah, wa wahdaniyatihi ma yujrihillahu ala aydi anbiyaihi min khawariq al-ayat, wa al-mu'jizat wa al-barahin al-qati'at. Min barahin, parmi les preuves, que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe et il est unique. Tous les miracles que les prophètes, ils ont eus. Bi-idhnillah azza wa jal. Qal wa ma yukrimuhum bihi fi dunya wa yansuruhum wa yaj'alu lahum al-awaqib al-hamida wa yakhzilu a'da'ahum wa yu'adhibuhum bi asnaf al-adhab. Tout ça, ça montre anna Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. تأمل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام أنه au départ il était seul avec son frère ثم الله سبحانه وتعالى leur a ordonné de faire الدعوة de conseiller un جبار un طاغوت أي فرعون un tyran ثم ils ont patienté ثم حصل ما حصل et à la fin quand ils se sont retrouvés en face de la mer bloqués وفرعون خلفهم مع جنوده avec son armée فقال عز وجل اضرب بعصاك آية من آيات الله. Qu'est-ce qu'un bâton il va faire face à un énorme océan, une mer. لكن كما تقدم معنا dans le درس تقريب التدمورية, le fait de faire les causes, le fait de frapper avec le bâton, c'était une cause فقط. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est على كل شيء قدير. فمن آيات الله عز وجل et c'est une معجزة لفرعون ومن كان معه. Un passage a été ouvert dans l'océan et Moussa et les croyants ils sont passés. هذا ça montre ماذا? Ça montre أن هذا الرب الكريم العظيم que Moussa il a appelé les gens à l'adorer. لا شك أنه c'est la vérité. Et beaucoup d'autres histoires من قصص الأنبياء. Étudier les histoires des prophètes, c'est un ilm nafi' jiddan. C'est une cause pour faire monter la foi. C'est une cause pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une cause pour patienter. Anahum, ils ont subi beaucoup d'épreuves. Fa'anta satastavi, tu vas profiter de tous ces récits. Qalu hadha mu'assirun ma'roufun bayna al-khawas wal-awam. Wa qad naqalatha al-umam wal-qurun wal-ajyal. Anam, de génération en génération, les gens, ils se sont transmis ces récits. On vit à une époque, نحن أن كثير من الملاحدة, ils sont très très loin de ces récits. لماذا؟ لأنهم دخلوا في الدنيا بقوة. Et ils n'ont plus aucun lien avec دين الله عز وجل. وإلا أهل الكتاب مثلا يؤمنون ببعض هذه القصص, même s'ils ont ajouté, ils ont falsifié. لكن certaines histoires يؤمنون بها, au moins la base. قال وقد نقلتها الأمم والقرون والأجيال وصارت أعظم من برهان الشمس والقمر وهي كلها براهين على ربوبية من أرسلهم. نعم, من نصر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. La bataille de Badr, ils étaient un peu plus de 300 et Kuffar Quraysh, ils étaient plus de 1000. من نصرهم. Qu'est-ce qui a donné cette patience, cette force? من أرسل الملائكة, الله سبحانه وتعالى il a envoyé des anges لنصرة المؤمنين. Qui c'est qui a facilité à Nuh de construire السفينة, l'arche? Qui c'est qui a facilité à Ibrahim عليه الصلاة والسلام? كما تقدم معنا dans le تقريب أن قومه, ils n'ont pas accepté son message et ils ont décidé de le jeter dans le feu. Et ils l'ont jeté dans le feu. مع أنهم ils ont vu هذا بأعينهم. لكن celui que Allah subhanahu wa ta'ala il égare, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهَ فَلَا هَادِيَ اللَّهَ. قال عز وجل يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ. فتأمل هذا أنه il a été plongé dans le feu, jeté dans le feu, ومع هذا ça ne lui a rien fait. بِإِذْنِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. قال وَهِيَ كُلُّهَا إِبْرَاهِينَ عَلَى رُبُوبِيَّةِ مَنْ أَرْسَلَهُمْ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَعَظَمَةِ سُلْطَانِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَسَعَةِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمَا يُنْكِرُهَا إِلَّا كُلُّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. نعم, celui qui rejette هذا, c'est un متكبر. أنه, il veut pas le حق. Et celui qui veut pas le حق, ولو, tu tu exposes des centaines de preuves, que ce soit du Coran, que ce soit de la Sunna, ou pour les athées, que ce soit des preuves claires, il sait très bien que c'est la vérité. Lakin, al-mutakabbir, al-jahid, l'orgueilleux, celui qui ne veut pas, voilà la preuve que tu lui exposes, c'est comme le soleil en plein jour, il n'acceptera pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Ce point, il est très très important pour da'wah. أن الإنسان لا يتكلف. Expose les preuves. ثم كما قال عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم. الله سبحانه وتعالى لي أرحم بالعباد. نحن دو exposer les preuves, les montrer, les citer, les clarifier. ثم celui qui accepte c'est بإذن الله عز وجل. Celui qui refuse, فالله سبحانه وتعالى c'est الحكيم. Et c'est الحق عز وجل. Donc on doit s'habituer à هذا. On n'est pas responsable des autres. On n'est pas responsable de la guider des autres. Là, celui qui a de la science, il a une responsabilité, c'est de transmettre. Wa ma alayka illa al-balagh. Lasta alayhim bimusaytir. On montre le haq. Celui qui veut la guider, falhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Qala wa min a'zam barahin wahdaniyatihi ma anzalahu Allah ala anbiya'ihi umuman min al-kutub wa al-shara'i'. وما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا من الكتاب العظيم والسنة والشريعة الكاملة التي بها صلاح الخلق وبها قوام دينهم ودنياهم كذلك هذا سنبرهان عظيم هذا القرآن ce Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé تبيانا لكل شيء وكذلك فيه الهدى والنور c'est une preuve عظيمة. C'est pour ça que, quand ils ont lu le Coran, certains athées, certains mécréants qui ont lu le Coran, et ça les a touchés et ils sont rentrés bidinillahi azza wa jal. Limada lianna hadha al-Quran, c'est une aya, c'est un burhan azim, c'est une preuve claire de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Sheikh rahimahullah, fiha min al-ayat wal-barahin ma la yu'abbir anhu al-mu'abbirun, ou ma la yu'abbir anhu al-mu'abbirun, ولا يقدر أن يصفه الواصفون وآياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق كلهم. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala تحدى جميع الخلق de citer de d'apporter un Coran semblable ou une sourate ou un verset depuis l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu salam quand Allah lui a révélé jusqu'à aujourd'hui وما أحد استطاع. Personne n'a pu. Personne. Al-Kuffar, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kuffar, Quraysh, ils étaient très très forts en langue arabe. Parmi eux, il y avait des poètes qui étaient très très éloquents. Lakin, هذا القرآن العظيم, avec هذه الفصاحة, avec هذا البيان العظيم, avec cette éloquence, avec cette clarté, quand tu le lis, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, en tant que mu'min, tu ressens directement. Tu ressens directement la force de هذا الكلام et que c'est pas la parole d'un être humain أبداً. Sans citer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala بيّن فيه من الأمور العظيمة et العجيبة beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في القرآن les êtres humains ils ne savaient pas ils ne connaissaient pas ça nous montre ماذا ça nous montre que هذا الكتاب العظيم وهذا الكلام c'est كلام رب العالمين c'est la parole du créateur عز وجل. لكن il faut que l'être humain efface l'effort de lire, de rechercher et surtout de ne pas rejeter. وبعضهم شغلهم الشاغل من الكفار من الملاحدة surtout à notre époque avec les réseaux sociaux il a arrêté. Ils essayent de trouver des failles, des contradictions dans le Coran. Alors que هؤلاء se font du mal qu'à eux-mêmes. Le Coran c'est كلام الله, c'est pas les premiers et probablement c'est pas les derniers qui essayent. Et s'ils meurent, ils goûteront le châtiment éternellement. Enfin, l'être humain, parfois, il est ba'id. Il est très très loin. Il se fait du mal qu'à lui-même. Enfin, celui qui veut la vérité, il recherche, il doit rechercher la vérité. قال وفيها من الآيات والبراهين ما لا يعبر عنه المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون وآياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم وقد تبين عجزهم ووضح عليهم هذا الكلام سي واضح ك ك إلي با كلير. نعم يا اون ايغور كما نبه الشيخ عبد الرزاق دون سون اكسبليكاسيون، قال وقد تبين عجزهم ووضح ضعفهم، لعل سي هذا ووضح ضعفهم. نعم اي انهم يسو انكابابل، اي كذلك سا مونتر لور فيبلس انهم ي peuvent pas citer un verset comme هذا القران. قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى إلى كلف هذا الكتاب ده هدى ده guide ده رحمة ده miséricorde كذلك ده بشرى c'est une bonne annonce pour les croyants. فالسلوي كي veut la guider فيعتني بهذا القرآن. Celui qui veut connaître la vérité, il doit donner beaucoup d'importance à ce Coran. Celui qui veut que Allah سبحانه وتعالى il lui pardonne, il le guide, qu'il donne beaucoup d'importance à هذا القرآن. قال فمن نظر فيما احتوى عليه القرآن العظيم من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع المحكمة والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع مضارها والخير العظيم والهداية والصلاح المطلق الكامل اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميد ورب كريم. سنغبيه أحكام كما قال هنا الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع المحكم المحكمة. القرآن إما سيدغسي dans la preuve le burhan précédent تقدم معنا un résumé sur les récits des prophètes. إما سيدي أحكام إما شرائع. Maintenant, tu dois faire telle chose, tu dois ne pas faire telle chose. Kadalik, tout ce qui est lié à Shar'ullah, les sentences, il a appris. Si tu viens à réfléchir via Hada, à méditer sur Hada, c'est que pour le bien de l'être humain. Maintenant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne quoi? De l'adorer seul, de faire la salade, de jeûner, d'aider les pauvres avec la zakat. Kadalik, de ne pas mentir, d'être juste, d'être bon avec ses voisins, d'être bon avec ses parents. Al-Aqil qui lit le Coran avec cette approche, annahu il veut le haq, annahu son but c'est le haq, chacun annahu ça va l'aider à accepter la vérité. Kadhalik si on prend un sujet plus sensible, khasatan pour al-malahida wa al-kuffar, pour les non-croyants, ma yata'alak bi al-hudud, lianna بعض الناس من الكفار ils ont sali l'islam et ils repoussent les gens du Coran avec هذا, avec le hudud. Ils disent que ça appelle à la barbarie, c'est de l'injustice, il a akhiré. Si on vient à méditer, même akfar al-kaviri, en Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a ordonné que le meurtrier soit tué, la haqiqa c'est pour le bien de tout le monde. Et al-kuffar, depuis la nuit des temps jusqu'à il y a quelques années, ils appliquaient هذا. Bel, dans certains pays de kuffar, de mécréants, ils appliquent encore la peine de mort. Limada, lianna c'est un bien. Bel, dans certains pays, jusqu'à aujourd'hui, des kuffar, ils appellent que la peine de mort soit rétablie. Limada, lianna c'est pour le bien des autres. Est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, fait le Coran al-Karim, il a appelé à tuer un innocent? Ahadan. Celui qui tue, il doit se faire tuer. C'est pour son bien à lui, si c'est un croyant. Ça sera un moyen de se faire pardonner le péché qu'il a fait, le meurtre. Et catholique, c'est un bien pour préserver les autres. On prend couper la main du voleur, c'est exactement la même chose. Est-ce que dans le Coran, c'est indiqué à un moment qu'on doit couper la main d'un innocent? Ce voleur, s'il vole un objet d'une certaine valeur, dans notre dîn, fil Coran al-Karim, c'est écrit clairement, cité clairement plutôt, que le voleur, sa main doit être coupée. Est-ce que c'est une injustice? Abadan. Bel, c'est aynul adl. Une main, elle va être coupée. Mais anna, cet être humain, il peut vivre. Sans une main, tu peux vivre si tu as une autre main. Et kadhalik, c'est la cause de ses actes. C'est plutôt la conséquence de ses actes. Thumma kadhalik, c'est pour préserver les autres. Une main coupée et des milliers, des centaines d'êtres humains préservés et des biens préservés. هذا سنمطرنا هذا القرآن العظيم tous les احكام tous les jugements qui sont cités, tous les ordres, les interdictions, c'est pour les biens de l'être humain. فلهذا dans certains pays où هذه الشريعة elle est acceptée, ils vivent pas ils vivent pas moins bien que les autres, abadan. Prends l'exemple à notre époque, al-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, harrasaha Allah, bilad al-Tawhid, bilad qui applique shari'at Allah subhanahu wa ta'ala, anahum, ils vivent pas moins bien que les autres, abadan. Bel, ils sont plus en sécurité que la plupart des pays, ils sont fi amn wa aman, ils vivent en paix, walillahil hamd, et ils appliquent la sharia. Ça, c'est une idée fausse que les ennemis de l'islam y propagent. Il a fait notre dîn, il appelle qu'au bien. Qala, wa kadhalik man nadhara ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min as-sunnah wa ash-shar' al-kamil wa ad-din al-qawim wa as-sirat al-mustaqim fi kulli shu'unihi ittarahu ba'd dhalik kayfa bi kulli. Celui qui médite sur certains ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui médite sur la plupart des ahadiths, enfin, là, ça sera aussi clair que le soleil en plein jour, que notre dîn, c'est que pour le bien des êtres humains. Et pour comprendre cela, il faut étudier l'histoire, la différence. Si on prend l'exemple de Al-Jazeera, vu que la religion islamique, elle a commencé Hunak, dans la péninsule arabique, leur état avant l'islam tombe à leur état après l'islam. Il y a un changement que tu ne peux pas décrire. Ils ont appliqué Dîn Allah Azzawajal comme il fallait. Enfin, pour eux, c'était une miséricorde, une lumière. À notre époque, le problème, c'est pas l'islam. L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala parfaite. Inna dîna indallah l'islam. À notre époque, c'est la compréhension que certains ils ont de l'islam qui fait du mal. Et dans l'autre sens, certains athées ou des mécréants qui ont une mauvaise image de l'islam et qui n'acceptent pas. Wa illa fa dîn al-haq, c'est dîn al-haq. Et à notre époque, la religion de vérité authentique, elle est toujours présente. Lakin, il faut deux choses. Il faut vouloir la comprendre et il faut être juste, objectif. Bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il veut guider cette personne. Ils ne font aucun effort pour rechercher la vérité. Et d'autres, même la vérité, si elle leur parvient, ils ne sont pas objectifs, ils ne sont pas justes. Ces preuves rationnelles que Cheikh Saadi, rahimahullah, il a citées, ça facilite. C'est une étape tayyiba, c'est une clé, pour ouvrir le cœur de ce mujrim, de cet athée, de ce kafir. Et là, subhanahu wa ta'ala, il le guide. On montre. Pour moi, ce cœur, il peut s'ouvrir, là. Cette clé, c'est une cause. C'est très très important. Et de donner de l'importance à ce genre de livre. On répète. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Il a propagé هذه الشريعة العظيمة. تأمل هذا. À une époque où il n'y avait pas encore toutes ces technologies dans le domaine de la médecine, il n'y avait rien. Il a akhri. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a propagé des choses concernant la médecine. Bien sûr, des choses concernant la croyance, concernant les adorations, concernant les transactions, concernant l'argent et tout ce qui est lié à l'économie, concernant la politique, alayhi salatu wa salam, comment fonder un État, comment le gérer. Il a akhri. Fa hadha ar-rajul, hadha an-nabi al-karim alayhi salatu wa salam, tout seul. À cette époque, et il ne savait ni lire ni écrire. Qui c'est qui va lui montrer hada? Si ce n'est le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Qala, wa min barahin wahdaniyatillah, anna al-uqul wal-fitar muttarra ila al-i'tiraf bibariha wa kamali qudratihi wa nufud mashi'atihi wa dhalik. أن الخلق محتاجون ومضطرون إلى جلب المنافع ودفع المضار. L'être humain, il est هكذا. Comme on a cité à plusieurs reprises dans cette risale, أن l'être humain, avec ses faiblesses, il a besoin. Il a besoin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, à son créateur. L'être humain, il est faible. Et chaque être humain se connaît. Là, dans certaines situations, tu sens que tu as besoin de revenir à quelque chose. Al-mu'min wallahi alhamd, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, il revient à Allah. Il lève les mains, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pendant sa salat. Fa al-mulhid, al-kafir, le mécréant, l'athée, si il médite sur ce point, alors dans certaines situations, il se sent seul. Il sent qu'il a besoin d'aide. Il a arrêté. Fa si il laisse son cœur, sa fitra, reprendre le dessus sur ses passions et sur Shaitan, et il laisse sa raison méditer, réfléchir, enfin, peut-être qu'il arrivera à comprendre ce point. قالوا من المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظم من جميع الحاجات والضرورات. هذا واضح أن le besoin qu'on a de Allah subhanahu wa ta'ala, il est beaucoup plus que la nourriture, que l'oxygène, que l'eau, etc. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Donc نحن on est des fuqara, on est des pauvres, on ne possède rien. قال فهي مضطرة إلى علمها بأنه خالقها وحده ومالكها وحده ومبقيها وحده ومميدها بمنافعها وحده فطرة الله التي فطر الناس عليها ثم قال ذلك الدين القيم. نعم c'est le même verset, لكن هنا et ils ont mis, il y a une coupure fil asl. Wa illa va, le verset, la cité, al-muhaqqiq fil hashiya, qawlu azza wa jal, fitratallahi allati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqillah, dhalika ad-din al-qayyim. Qala wa lam yakhruj an hadhihi al-fitra illa man ishtalatuhum ash-shayatin. Lakin on peut se poser cette question ici. On a depuis le début, walillahi alhamd, on sait que chaque être humain, il a cette fitra. Ils traduisent la fitra par la saine nature. Et au fond de lui, chaque être humain, il a été créé pour pouvoir reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur qui mérite l'adoration. Il a akhir. C'est pour ça que l'être humain, s'il fait un peu d'effort, très vite il s'apercevra que l'existence du créateur, c'est la vérité. Et si le créateur, il existe, très simplement, il pourra comprendre que si c'est le créateur, et il nous a créé, on doit être reconnaissant. On doit l'adorer, on doit lui demander, etc. Lakin huna, qala, wa lam yakhruj an hadhihi al-fitra. Et c'est quoi qui a fait sortir certaines personnes de cette fitra? Ils l'ont rejeté. Et ils contredisent la raison. Et le fait de ne pas accepter que Allah c'est le créateur. Kama qala huna, illa man ishtalathum ash-shayatin. Qala, fi al-hashiya, il a cité al-hadith, la preuve ala hadha. حديث عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ثم قال كل مال نحلته نعم نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم هذا كلام الله عز وجل وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tous les êtres humains avec hadhihi al-hanifiyya. Et le fait de reconnaître dans ce cœur, et chaque être humain dans son cœur, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, l'unique, qui mérite l'adoration. قال وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. لكن الشياطين qui combattent les êtres humains leilan wa naharan, ils les ont fait sortir de هذه الفطرة. قال وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم ستت عمى يغند الشوز حلال que Allah سبحانه وتعالى il a interdit. Il combat la religion d'Allah سبحانه وتعالى. Il ne veut plus se soumettre. L'orgueil, il rentre dans les cœurs. قال وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. Allah سبحانه وتعالى يأمر plutôt الشيطان يأمرهم de prendre, de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada al-hadith, il nous montre quoi? Il nous montre un point essentiel. Anna al-abd, l'être humain, la'bud, forcément, il doit obéir à une chose. Forcément. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'ibad hunafa. Falhamdulillah, les croyants, qui sont ala hadhihi al-hanifiyya, ala al-fitra, ils n'ont pas contredit la raison. Ils acceptent que Allah c'est le créateur et ils ressentent le besoin de lui obéir, de lui demander. Il a akhir. Haoula, ces athées, la tadunanahum, ils obéissent à personne. Là, ils obéissent à Shaitan. C'est pour ça que les athées, les kuffars, c'est des ubad Shaitan. L'athéisme, ils le traduisent, ils le définissent par celui qui croit en rien. Il a akhir. Là, c'est pas sahih. Là. La yu'minuna billah. Et beaucoup d'entre eux, c'est par orgueil, il a akhir. Et ils se sont soumis à Shaitan. فلهذا ce hadith montre clairement انهم ils ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Shaytan. فلهذا, et si on revient à ce burhan, comme a dit le cheikh, on répète ومن المعلوم لكل عاقل ان حاجة النفوس الى خالقها وإلهها اعظم او قبل ذلك plutôt ان العقول والفطره مضطره الى الاعتراف بباريها وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وذلك الخلق محتاجون ومضطرون. انظر, محتاجون ومضطرون. Ils ont le besoin. Ils ont le besoin d'adorer Allah, de se soumettre. لكن si ils obéissent à Shaytan, cette adoration et cette soumission, ils la donneront à l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis. قال, on a fini le hadith. قال le hadith al-tawil fi sahih muslim. Donc c'est le hadith Iyad, radiyallahu anhu, et il est fi sahih مسلم. ثم قال وحولت فطرهم وغيرت كلام الشيخ سعدي وحولت فطرهم وغيرتها بالعقائد الفاسدة حتى هؤلاء ils ont atteint un point بعضهم أنهم يقولون أن أمم ils descendent du singe. Et ce singe il vient d'où? أولا, on répond à هؤلاء, ce singe il vient d'où? أنكم, vous prétendez vous descendez du singe, vous avez contredit la raison et la akhira. Ce singe, il vient d'où? Le premier singe, il vient d'où? هذا أولا. كذلك بعضهم ردوا على هؤلاء avec un رد طيب. أنهم, ceux qui parlent d'évolution. Ceux qui parlent d'évolution. أين ذهبوا? مثلا, eux, ils disent, le premier, c'est un singe. ثم, il a changé. قليل, ثم, il a changé. ثم, c'est devenu un homme. فلماذا, il ne reste plus que le singe et l'homme. Ceux qui sont entre les deux. Ça nous montre que c'est bâtel, c'est complètement faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les singes, c'est une créature, et il a créé l'être humain. Enfin, wa ta'ammal, le niveau qu'ils ont atteint, annahum hatta, eux-mêmes, le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, hakada, yaqulun annahum, ils descendent du singe. Pour moi, ils ont des autres théories. Ces animaux, ces êtres humains, ces montagnes, d'où c'est venu? Pardon, ils disent le Big Bang, pardon, ils ont des calams. Que la raison, elle n'accepte pas. On répète, elle a des petites choses que vous avez entre les mains, vous n'acceptez pas, vous n'accepterez jamais que quelqu'un vous dise, Anaho, ça arrivait Hakada. Ça arrivait Hakada, il y a eu Madri, un contact entre deux choses, boum, c'est arrivé. Et Haoula, ma harb, Iblis, Iblis, il a combattu leur cœur et ils sont arrivés à prétendre Hakada. Wa ghayyarataha bil aqaid. Al-Fasida. Al-Kuffar, ils ont des croyances, na'oudou billah, des croyances très très graves. Qal wal-khayalat avval. Al-khayalat, c'est des imaginations. Comme la théorie de Darwin qu'on vient de citer, c'est une imagination. Khayalat min ash-shaytan. Il n'y a aucun lien. Le singe, c'est un animal. L'être humain, c'est un être humain. Qal, et kadalik, pourquoi eux, ils disent que l'homme, il descend du singe. Et pourquoi certains singes, ils n'ont pas eu cette évolution? Pourquoi certains singes, c'est resté des singes? Wahagada, tu peux leur citer comme une i'tiradat qui ne pourront jamais répondre. Qala, wal-ara al-khabitha wal-nadariyat al-khati'a. Al-nadariyat, c'est des théories comme la théorie de Darwin. Qala, falaw khullu wa fitrahum lam yamilu li ghayri rabbihim. Ha'oula. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui fait ce qu'il veut. Law. Al-Shaytan, il ne les aurait pas combattus. Et kadalik, des autres ennemis de l'islam, min shayatin al-ins wal-jin, ha'oula, ils seraient restés comme Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés. Wa taqaddam ma'ana dans le hadith, qu'on peut reciter, huna, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, kullu mawloud, yulad ala al-fitra. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé à l'al-fitra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cœur, il est prêt à accepter la vérité. Son cœur, il est prêt à accepter la vérité. Il faut que la vérité, elle apparaisse, et il l'acceptera. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن c'est les parents qui rendent cet enfant, imma un juif, un ennemi d'Allah, imma un chrétien, un ennemi d'Allah, imma un majus, un adorateur du feu. Aïe mouhim, autre qu'un croyant. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que les parents, kadhalik, l'entourage, ça peut être une cause que cet être humain, il délaisse cette fitra, cette saine nature. Qala, falaw khullu wa fitrahum لم يميلوا لغير ربهم منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار ومنيبين إليه في التأله والتعبد والخضوع والانكسار. لكن هذا ça nous empêche pas de désespérer. لأن هؤلاء qui ont été écartés de cette fitra et qui ont des pensées très très graves, des croyances complètement fausses, on ne doit pas désespérer de leur guider là. Ce livre, il est fait que pour ça. Des preuves rationnelles leur montrer que cette fitra qu'ils ont délaissée et qu'ils avaient à la base, elle est en concordance avec la raison. Et cette raison, elle ne contredit en rien les textes. Le Coran et la Sunna et l'islam authentique. Et on leur montre l'islam sous sa vraie apparence, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. On peut citer quelques causes. On peut citer quelques causes, walou bi'ikhtisar, pourquoi certains nas ils ont délaissé al-fitra wa taghayyarat fitrahum. Plusieurs causes. Une des causes principales, c'est mukhalatatu a'da'il islam. Le fait de fréquenter, d'avoir comme entourage des personnes qui ont perdu cette fitra. Imma yahoudi, imma nasara, imma des athées. Wa al-insan yata'athar bi jalisi. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرء على الدين خليلي. Chacun a la même religion que celui qu'il fréquente. هذا ça nous montre quoi? Ça nous montre أن ces êtres chers qu'on aime tant, nos enfants. Nos enfants, ils sont tous à الفطرة. Tous les enfants, ils sont à الفطرة. ثم les enfants des kuffars, la plupart, leur fitra change à cause de leurs parents. Et les enfants des croyants, des musulmans, ils ont la fitra ولله الحمد للإسلام. On doit faire attention de ne pas exposer nos enfants à un organisme, ou les placer dans une école, ou qu'ils fréquentent des égarés, ou qu'ils vivent dans un pays qui contredise cette fitra. Il y en a sept enfants, il a la fitra, il aime l'islam, mais s'il grandit dans un environnement qui combat cette fitra, cet enfant, il n'est pas à l'abri. Et on est tous, on n'est pas à l'abri, que هذا القلب n'accepte plus cette fitra. C'est pour ça que des enfants qui ont grandi dans une famille musulmane, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, en son messager, il a akhirat. Tu trouves un enfant, il sort de la famille, il ne croit plus en tout. Ça devient un athée. Limada. En général, c'est l'environnement. Et min ashad, ceux qui combattent l'un le plus cette fitra, et n'ai aucun doute, fi hada, c'est l'école laïque. L'école laïque, ils combattent fitrat al-islam. C'est pour ça qu'ils propagent la théorie de Darwin, ils propagent la théorie du Big Bang, ils propagent la laïcité, ils propagent la démocratie. Et le pire pour l'école laïque, c'est que l'enfant, il dise « Je crois en Allah » ou « Je crois au messager d'Allah » subhanahu wa ta'ala. Ben, ils ont diffusé « Robama, un tome, vous avez plus d'informations que moi dans Allah » Il y a quelque temps, un enfant, il a été convoqué, il a appris. Pourquoi ? Parce qu'il a dit « Alhamdulillah ». Un autre, il a dit « Allahu Akbar ». فانظر مجرد سماع الاسم pourtant ils savent très bien que Allahu Akbar, il y a aucun mal, des milliards de musulmans, des millions plutôt de musulmans, ils disent Allahu Akbar tous les jours, لكن يحاربون هذه الفطره. اخي الكريم احذر. Ces livres qu'on étudie ensemble, c'est pas des informations haines qu'on lit, des histoires pour se passer le temps. Là, chacun de nous, quand on étudie ce genre de livres de nos savants basés sur le Coran ou la Sunna, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Il y a beaucoup d'athées, on est tous d'accord. Mais on sait qu'il y a des causes. Comme a dit Allah Azza wa Jal, on répète la partie du hadith. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Kullahum, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tous les êtres humains hunafa, avec cette fitra, cette saine nature qui accepte la vérité, qui accepte l'islam. Wa innahum atatuhum ash-shayatin fashtalathum 'an dinihim. Thumma des shayatin, ils sont venus, ils les ont écartés de cette vérité. Donc on doit se poser la question, est-ce que moi, j'ai fait les causes pour être à l'abri d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que j'ai fait les causes avec mes proches? Surtout les enfants. Ah, mais les adultes, tu peux le conseiller. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur qui sont adultes, tu peux les conseiller. Thumma, walillahil hamd, il veut faire des efforts, il fait. S'il ne veut pas, il est responsable de ses actes. Un mal enfant, il n'est pas responsable de ses actes, c'est un enfant. C'est qui le responsable des actes de l'enfant? C'est le père et la mère. Famina volm, c'est de l'injustice, de la pure injustice, d'exposer nos enfants dans des endroits qui combattent cette fitra. Et on est tous d'accord, même les musulmans qui sont très très loin du Coran et de la Sunna, tout ce qui s'est passé dernièrement, ils sont d'accord anna al-kuffar yuharibun hadhihi al-fitra avec l'école laïque, avec la démocratie et tous ces principes corrompus. Ne sois pas une cause. Ne sois pas une cause de... Toi-même, tu combats la fitra de ton enfant. On revient au hadith. Qui c'est qui combat la fitra de cet enfant? Dans ce hadith, qala, wa innahum atatuhum ash-shayatin. C'est les shayatin qui combattent cette fitra. Fakif, nahnu, on s'entraide avec shaytan fi hada. Dans l'autre hadith, fa abawa yuhawidani ou yunassirani ou yumajisani. Qui c'est qui combat cette fitra? C'est les parents juifs, les parents chrétiens, les parents majous, et les kuffars. Anta, tu es un musulman, anti, tu es une muslima. Enfin, c'est pas simple. On répète, c'est pas simple, hada. Je place mon enfant à l'école parce que je suis fatigué, parce que j'ai des préoccupations. Qu'est-ce que tu vas faire de ce travail, Akhil Karim? Ton enfant, alhamdoulilah, tu l'as placé, tu travailles. Qu'est-ce que tu vas faire de ce travail si tu perds ton enfant? Et là, t'as donné, wallahi, on n'est pas à l'abri. Il y en a, l'école, elle a beaucoup changé. L'école que nous, on a connue, c'est pas l'école de maintenant. Mais à l'école qu'on a connue, elle a fait beaucoup de dégâts chez certains. Laquelle, l'école de maintenant, c'est axé sur le combat de l'islam. Contrairement à avant. Avant, ils combattaient pas l'islam comme maintenant. Et kadhalik, avant, beaucoup de gens, ils étaient ignorants. Ils connaissaient pas mitla hadal kalam. Amal an, si toi tu sais, fa ihdar. Il y en a celui qui sait, il est pas comme celui qui ne sait pas. Nos parents, masakin, ils ne savaient pas. Fallait Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait miséricorde à une grande partie dans notre génération à cause de cette ignorance. Amma, un sunni, un salafi qui connaît hadal haq et qui lit ce livre, qui étudie ce livre, thumma qui place ses enfants, onak, fa hada fi, faut qu'il, il vérifie son cœur. Il vérifie sa propre fitra à lui. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq. Et hada, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. La première étape, c'est de réfléchir. Ne pas suivre la masse, tout le monde aimait à l'école. Mais, bardohom, ils partent, ils ont des fatalités, des faiblesses. Mais qu'est-ce que je vais faire si je ne le mets pas à l'école? Kaif, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te bouges et tu ne le mets pas à l'école. Certains, ils ont des principes. Wallah, les kuffars, ils ont des principes. Ils ne vaccinent pas leurs enfants, ils ne les mettent pas dans telle école à cause de principes corrompus. Et ils font des efforts. Certains, ils voyagent, ils changent de pays. Des kuffars. Et maintenant, il y en a, ils ont certains principes. Ils ne veulent pas se contredire. Ils ont un combat. Anta, ton combat, c'est contre Shaitan. Ton combat, c'est contre ton nefs. Et Anta, t'es un croyant. Tu sais très bien, on sait tous, que à la fin, ça sera imma al-jannah, imma al-nar. Imma l'enfer, imma le paradis. Aïe, éternellement. Nas'alullah at-tawfiq. La première cause, donc, c'est mukhalatatu a'da'illah. La deuxième cause, c'est al-ghulu vid-din. Le fait d'exagérer vid-din-illah. Ta'amma al-hal al-rafidah. Al-zanadiq al-mujrimin. Al-rafidah. Alors, tellement qu'ils ont exagéré, vidin illahi azza wa jal, ils prétendent l'un que Fatima, elle a des awsaf, min awsaf rabbil alamin. Wallah, il donne des attributs à Fatima et à Ali et à Al-Hassan wal-Hussein, radiyallahu anhum, des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala seul mérite. C'est quoi qui a poussé Haoula à faire cela? C'est Al-Ghulu, ils ont exagéré. Ta'amal hal al-Sufiyya. Un être humain, qui est à l'al-fitra, et tu trouves cet être humain peut-être qui vit dans un pays musulman et il voit autour de lui les croyants faire salat, thumma, il m'adri comment il arrive, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala as-salama wa al-afiya, il se prosterne devant la tombe d'abord. Thumma, quand il a fini cette prosternation, il va au masjid et il danse. C'est pourquoi cette fitra a la tournée? Al-ghulu, l'exagération. La troisième cause, ad-din, la troisième cause qui écarte de la fitra du din, ad-dunya wal-mal, l'argent et le matériel et les tentations de ce bas monde. Qala azza wa jal kalla innal insana layatra an ra'ahu istaghna. Al-insan yatra wa at-tughyan, c'est quoi? C'est le fait de s'écarter de la vérité, de dépasser les limites. Pardon, il dépasse les limites jusqu'à qui quitte cette fitra. Pourquoi? À cause de le mal. Pardon, tellement qu'ils sont attirés par dunya, tellement qu'ils font des efforts fi dunya, Et leur fitra, elle change. Hatta, il n'arrive plus à comprendre comment je vais délaisser ce travail parce que j'arrive pas à faire salat al-jumu'ah. Comment je dois délaisser ce travail parce que j'arrive pas à faire la salat. La fitra, elle a changé. Celui qui a la fitra, il comprend simplement. Allah il m'a créé pour l'adorer. Ce travail, il m'empêche de faire l'adoration la plus importante après les deux attestations, après shahadatayn. Donc je délaisse ce travail pour chercher un autre. Mais avec sa fitra wa ilham de son iman, il sait que c'est Allah qui donne. Je délaisse ce travail, Allah il va me donner un travail meilleur. Il n'y a aucun problème. Il y a toujours des solutions. Allah subhanahu wa ta'ala karim. Lakin hadha al-mal, c'est une cause pour iyadan billah oublier, tomber dans le reflet, dans l'insouciance, et s'égarer et perdre sa fitra. Fal hadar. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour ramasser de l'argent. Là, l'argent c'est une cause. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ordonné de faire des causes, donc tu dois faire des causes, tu dois avoir de l'argent. Cet argent c'est pas une priorité. Là, c'est pas le but ultime. Là, cet argent, wallahi alhamd, c'est une chose que tu mets dans ta poche et que tu sors et que tu gagnes et que tu sors et que tu utilises pour préparer l'au-delà. C'est pas une fin en soi. Kadhalik min al-asbab at-taqlid. Le fait de suivre aveuglément. Le fait de suivre aveuglément. Et on a cité le hadith. Ma min mawlud yulad ala al-fitra. Pourquoi ces enfants, ils ont perdu leur fitra? Parce que, hagada, ils ont suivi leurs parents. Bel, et on a, il ne faut pas comprendre les enfants faqat en bas âge. Bel, certains, ils ont la trentaine, la quarantaine ou plus, et ils perdent leur fitra. Pourquoi les anahoum, ils suivent aveuglément leurs ancêtres? Matalan, tu lui montres comment tu fais pour adorer, demander à un mort alors qu'il est mort. Ça contredit la fitra. Tu demandes à un mort. Si le mort, il pourrait t'aider, enfin, il ne serait pas mort. Comment ce mort, il peut t'aider alors que lui-même, il est mort? Tu peux pas demander à une créature faible comme toi. Belle, toi, tu as plus de capacité que lui, t'es vivant. Et ouah, il est mort. Lakin, la réponse de beaucoup de gens, c'est quoi? إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Si tu leur dis, suivez ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, et que tu dois adorer Allah seul, n'adore pas les morts, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Lakin, nos parents, ils ont fait, mais dans mon pays, ils font. Alors qui sait que la preuve que tu lui as citée, cette preuve rationnelle, comment tu fais pour adorer un mort? Ben, il y a beaucoup de versets du Coran qui prouvent ça, qu'on a déjà cité كثيراً, et il le sait, lakin at-taqlid. Wa hakada, une des dernières causes, et on va s'arrêter هنا لأن الوقت ذهب, نعم, الجهل, l'ignorance. كذلك l'ignorance. Un insan, il est على هذه الفطرة الطيبة. Et au lui d'en prendre soin, de préserver cette fitra, de faire des efforts pour rechercher la vérité, pour la comprendre, il reste ignorant. Thumma al-ghaflat, thumma l'insouciance. Thumma les shubuhat. Il y a beaucoup de shubuhat de haoula, les athées, qui sont propagés à notre époque. Ah, tu trouves, wahed qui a al-fitra. Qui a al-fitra, son cœur, il est prêt à accepter la vérité là, qu'il ne fait pas d'efforts pour apprendre. Et Obama, ce cœur qui n'a pas fait les efforts pour accepter la vérité, l'acceptera autre. Naam. Fahadihi al-asbab wa ghayruha kathir. On a cité quelques causes en résumé. Wa illa fahada, ça pourrait être un sujet de conférence, d'une kalima fil-haqiqa, les causes qui poussent à s'écarter de la fitra. Fahadihi al-asbab wa ghayruha, al-haqiqa, c'est les causes de inhiraf an-nas anil fitra. هذا سي واضح ثم سي اون كوز كذلك كثير من الناس sont tombés dans le shirk et sont tombés dans le bid'a لماذا لانهم ils sont tombés dans ces causes et ça a été comme on vient de le dire et comme on l'a répété كثيرا des causes d'égarement نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا وان يحفظنا من كل فتنه نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.